Bon, maintenant, on a déclaré que j'étais un poète, moi je fais des chansons. Je ne sais pas si je suis poète, il est possible que je le sois un petit peu, mais enfin, peu m'importe, je chante, je mélange des paroles et de la musique. Au réveil, c'est du Brassens, quand j'émerge encore moins des gens. Ça met trois claques au sommeil, et ça démarre intelligent. Parce que Brassens, c'est du pain chaud sur lequel tu mets du miel. Ça sent le café expresso, on commence par l'essentiel. Une fois les neurones bien secoués, c'est l'heure du réveil musculaire. Après la douche, c'est NTM qui fait bouger mes maxillaires. C'est l'heure de se remplir d'énergie pour la journée, c'est Kuba. C'est l'heure du flow et des combats, à se rappeler aussi que je viens de là. Quand je prends le volant sur le péri, faut que je continue la série. Du gros son sur chaque texte, alors c'est l'heure de Kerry. Car c'est la bande originale du paysage tout autour. Le bitume prend le micro quand je suis à Porte de Clignancourt. À chaque saison, la césure a ses airs de fête. À la raison, ça rassure, c'est bien l'heure des poètes. À chaque saison, la césure a ses airs de fête. À la raison, ça rassure, c'est bien l'heure des poètes. Midi, c'est le repos du guerrier et la pose du dragon. Y'a la lumière qui s'épaissit et Ferra qui chante Aragon. Des mots tranchants et la voix chaude où quand le feu rejoint l'eau. Le soleil est juste au-dessus, y'a aucune ombre au tableau. À l'heure du dessert, c'est évident, c'est Aznavour. Les petits plats sont dans les grands et y'a le gâteau qui sort du four. Un repas sans dessert, c'est une compile sans la bohème. L'institution dans l'élégance, des profiteroles avec la crème. 15h30, plein soleil, je veux du solide, pas du frêle. C'est bien l'heure du grandiose, du spacieux, c'est du brel. La poésie qui s'envole et t'emporte en un instant. À Vesoul, à Amsterdam, avec Mathilde et à Milan. À chaque saison, la césure a ses airs de fête. À la raison, ça rassure, c'est bien l'heure des poètes. À chaque saison, la césure a ses airs de fête. À la raison, ça rassure, c'est bien l'heure des poètes. C'est peut-être mon moment préféré. Une atmosphère comme du coton et la lumière un peu biaisée. C'est l'heure de tous les états d'âme où je ressens le poids de chaque mot. C'est le bon climat, messieurs dames, pour pouvoir écouter Renaud. Renaud, c'est la tempête dans la douleur du crépuscule. C'est un cœur de moineau dans la poitrine d'Hercule. C'est la rage et la tendresse, il y a 30 ans il a écrit des trucs qui chaque jour m'aident à comprendre ce que je fous ici. Et lors du règne de la nuit quand la lumière s'habille en noir, et pour trouver l'accord parfait entre piétude et cafard, il nous restera ça, le corps caché sous les draps. Une enceinte au bout des doigts qui fait chanter Barbara. À chaque saison, la césure a ses airs de fête. À la raison, ça rassure, c'est bien l'heure des poètes.